بسم الله الرحمن الرحيم دورة رمضان 1434 correspondant à juillet 2013 donné depuis Dar al-Hadith al-Salafiyya de Dammaj. 17e conférence sur la mort de Ayyub Abu Mu'ad al-Faransi hafidhahullahu ta'ala. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Allah Azza wa Jal dit dans son noble livre « Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un » Toute âme goûtera la mort, ensuite c'est vers nous que vous serez ramenés. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit « Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawman qiyamah, faman zuhzihanin nari wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatul dunya illa mata'ul ghurur » Toute âme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi, et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Et Allah Azzawajal dit Kullu shayin halikun illa wajha. Toute chose périra sauf son visage. C'est-à-dire le visage d'Allah Azzawajal, Allah Azzawajal. Et Allah Azzawajal dit Kayfa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum. Comment mécroyez-vous en Allah alors que vous étiez mort et qu'il vous a fait vivre? Puis il vous fera mourir, puis il vous fera revivre, puis vers lui vous retournerez. Et dans les deux sahih, d'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, disait « Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabt » وَبِكَ خَصَمْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ تُضِلَّنِي أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ. Oh Allah, je me suis soumis à toi seul, j'ai cru en toi seul, je place ma confiance en toi seul, je me repens à toi seul, je débat en toi seul. Oh Allah, je me réfugie auprès de ta puissance. Et car il est permis de se réfugier auprès d'Allah Azzawajal et de ses attributs. Pas de divinité digne d'adoration autre que toi, contre le fait que tu m'égares. Tu es le vivant qui ne meurt pas, et les djinns et les hommes meurent. Et Allah Ta'ala dit à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et cela s'adresse à toute la communauté, lorsqu'Allah Azzawajal s'adresse à son messager, ça s'adresse à toute la communauté, à part s'il y a une chose qui prouve que c'est spécifique au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azzawajal lui dit, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Les exégètes ont expliqué que c'est la mort. Voici donc la mort dont Allah nous a informé et que nul ne nie, même les mécréants athées. Ceux qui disent « Ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr wa ma lahum bidhalika min ilm inhum illa yadunnun » Il n'y a pour nous que la vie d'ici-bas, nous mourrons et nous vivons, et seul le temps nous fait périr. Ils n'ont de cela aucune connaissance, ils ne font qu'émettre des conjectures. La mort que la plupart des gens oublient, volontairement ou pas, mais qui est décrétée pour toute âme, à un terme fixé. alors que le fœtus est dans le ventre de sa mère, que nul ne peut repousser ou avancer. « Likulli ummatin ajal, idha ja'a ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun » À chaque communauté un terme, quand leur terme arrive, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure ni l'avancer. « Wa lan yu'akhira Allahu nafsan idha ja'a ajaluha » Allah n'accordera pas de délai à une âme dont le terme est arrivé. Ce souvenir de la mort comporte de nombreux bénéfices pour le croyant, comme le fait de ne pas être insouciant, de délaisser les péchés et s'activer dans les bonnes œuvres. De ce fait, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a incité sa communauté à se rappeler la mort. At-Tirmidhi rapporte d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Akthiru dhikra hadhi min ladhat, ya'ni al-maut » Multipliez le rappel du coupeur de délices, c'est-à-dire la mort, authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Et Muslim rapporte d'après Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam visita la tombe de sa mère et pleura et fit pleurer ceux qui étaient autour de lui. Il dit Ista'dhantu Rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dhan li wa sta'dhantuhu fi an azura qabraha fa'udhina li fazuru al-qubur fa'innaha tudhakkiru al-maut. J'ai demandé à mon Seigneur la permission de demander pardon pour elle et on ne m'a pas autorisé. Car elle est parmi les gens de l'enfer. Et j'ai demandé l'autorisation de visiter les tombes et on m'a autorisé. Visitez donc les tombes car elles vous rappelleront la mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kun fit dunya ka annaka gharib aw abiru sabil » Sois dans cette dunya comme si tu étais un étranger ou un voyageur. « Muttafaqun alayhi » d'après Ibn Omar qui ajoutait « Lorsque tu es au soir, n'attends pas le matin. » Et lorsque tu es au matin, n'attends pas le soir, et prends de ta santé pour ta maladie, et de ta vie pour ta mort. Et At-Tirmidhi rapporte que Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, pleurait lorsqu'il s'arrêtait près d'une tombe, jusqu'à ce que sa barbe soit trempée. On lui disait, lorsque le paradis et l'enfer sont cités, tu ne pleures pas, et tu pleures pour ça. Il dit alors, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Inna al-qabra awwalu manzilin min manazil al-akhira, fa inna ja minhu fa ma ba'dahu aysaru minh. » وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ » La tombe est la première des étapes de l'au-delà. Donc si la personne s'en sort sain et sauf, alors ce qui arrivera après sera plus facile. Et s'il ne s'en sort pas, alors ce qui sera après sera pire. Et il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit مَا رَأَيْتُ مَنْذَرًا قَتُّ إِلَّا الْقَبْرَ أَفْضَعَ مِنْهُ Je n'ai jamais vu de vision plus horrible que la mort, plus horrible que la tombe. Le hadith a été jugé bon par Cheikh Mourbil et Cheikh Al-Albani. Alayhima rahmatullah. Et Allah Azza wa Jal dit Al-haakum al-takathur hatta zurtum al-maqabir. La course aux richesses vous divertit jusqu'à ce que vous visitiez les tombes, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous mouriez. Muslim rapporte d'après Abdullah ibn Shikhir, radiyallahu anhu, qu'il vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le trouva en train de réciter Al-Haakum al-Takathur. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Yaqul ibn Adam, Mali, Mali, Qal, wa hal laka yabna Adam, min Malik, illa ma akalta fa afnait, aw labista fa ablait, aw tasaddaqta fa amdait. Le fils d'Adam dit Mes biens, et que possèdes-tu, ô fils d'Adam, de tes biens, à part ce que tu as mangé et qui a péri ou dont tu t'es vêtu et que tu as usé, ou dont tu as fait l'aumône et que tu as fait demeurer, c'est-à-dire pour l'au-delà. Et c'est Allah Azzawajal qui décrète la mort. Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort. Ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Il y a certainement là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Et l'ange de la mort est chargé de prendre l'âme de celui pour qui Allah a décrété la mort. Et cet ange ne s'appelle pas Azraïl, car il n'y a aucune preuve authentique concernant son nom. Allah Azza wa Jalla dit « قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ » Dis, l'ange de la mort qui est chargé de vous vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramené vers votre Seigneur. Et ce sont ensuite d'autres anges qui prennent cette âme. ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. Et il est le dominateur suprême sur ses serviteurs. Et il envoie sur vous des gardiens. Et lorsque la mort atteint l'un de vous, nos messagers, c'est-à-dire les anges, enlèvent son âme sans aucune négligence. Quant aux mécréants, l'âme est arrachée violemment par les coups. Allah Azzawajal dit « Alladhina tatawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim fa'alqawu salama ma kunna na'malu min su' bala inna allaha alimum bima kuntum ta'malun » Ceux à qui les anges prennent les vies, alors qu'ils sont injustes envers eux-mêmes, se soumettront humiliés et diront « Nous ne faisions pas de mal, mais en fait Allah sait bien ce que vous faisiez. » Et Allah Azzawajal dit « فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ » Qu'adviendra-t-il d'eux quand les anges prendront leurs âmes, frappant leurs faces et leurs dos ? Et il dit « Subhanahu wa ta'ala » وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. Si tu voyais lorsque les anges arrachent les âmes aux mécréants en les frappant sur leur visage et leur derrière en disant « Goûtez au châtiment du feu ». Et quant aux croyants qui ont fait de bonnes œuvres, leurs âmes sont prises avec douceur et leur annoncent la bonne nouvelle. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Ceux dont les anges reprennent les âmes alors qu'ils sont bons, les anges leur disent paix sur vous, entrez au paradis pour ce que vous faisiez. Et Allah Azza wa Jalla est celui qui a créé cette mort. La mort est une création d'Allah Azza wa Jalla. Allah dit قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Dit Allah est le créateur de toutes choses et c'est lui l'unique, le dominateur. Et il dit سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté. Et il est omnipotent, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Et c'est lui le puissant, le pardonneur. Puis lorsque les gens du paradis seront rentrés au paradis et les gens de l'enfer seront rentrés en enfer, on amènera la mort sous la forme d'un bélier et il sera égorgé, puis il sera dit « Aux gens du paradis, éternité sans mort. Aux gens de l'enfer, éternité sans mort. » Muttafaqun alayhi d'après Abu Saïd. De ce fait, les gens du paradis ne dorment pas, car le sommeil est le frère de la mort. Il est venu un hadith en ce sens du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, d'après Jabir, dans Kashf al-Astar d'Al-Bazar, mais il est faible. Mais ce qui prouve que le sommeil est une mort, et ce qui est venu dans Sahih al-Bukhari, d'après Abu Dhar et Hudayfa, et dans Sahih al-Muslim, d'après Al-Bara, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait lorsqu'il se réveillait, Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Louange à Allah qui nous a fait vivre après nous avoir fait mourir. C'est-à-dire qui nous a réveillés après le sommeil. Qui nous a fait vivre après nous avoir fait mourir et vers lui sera la résurrection. Et Ibn al-Qayyim a cité le consensus quant au fait que les habitants du paradis ne dorment pas. Et Allah Azza wa Jal dit إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. Celui qui vient à son Seigneur en criminel, il y aura pour lui la géhenne, l'enfer, où il ne mourra pas ni ne vivra. Et la mort empêche la personne de rajouter des œuvres pieuses ou de se repentir, car elle est le pont entre cette vie et celle du barzakh. Et le barzakh, c'est entre la vie d'ici-bas, la hayat al-dunya, la dunya, et l'akhira, l'au-delà. Allah Azza wa Jal dit « Hatta idha ja'a ahadahumul maut, qala rabbi irji'un, la'alli ya'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, wa min waraiha barzakhun ila yawmi yub'athun, wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. » فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit « Seigneur, fais-moi revenir sur terre, afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. Non, C'est seulement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière, un barzakh, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Puis, quand on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour-là, et ils ne se poseront pas de questions. Ibn Kathir, rahimahullah, a dit, Allah informe de la situation de celui à qui la mort vient parmi les mécréants, et ceux qui furent négligents dans l'ordre d'Allah. Et ce qu'ils disent à ce moment, et la demande qu'ils formulent, pour revenir à la dunya afin d'améliorer ce qu'ils ont corrompu durant leur vie. De ce fait, il dit Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Seigneur, fais-moi revenir afin que j'œuvre dans les bonnes œuvres dans ce que j'ai délaissé. Comme Allah Azza wa Jalla dit wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut. فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Et dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise alors, Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferais l'aumône et serais parmi les gens de bien. Allah, cependant, n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et il dit, Subhanahu wa anzir innasa yawma ya'tihimu al-adhab, fayaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib, nujib da'wataka wa nattabi'a ar-rusul, awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Et avertit les gens du jour où le châtiment les atteindra. Et ceux qui auront été injustes diront, notre Seigneur, accorde-nous un court délai. Nous répondrons à ton appel et suivrons les messagers. N'avez-vous pas juré auparavant que vous ne deviez jamais disparaître? Et il dit, Subhana, يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِي نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُولَ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ. Le jour où sa véritable réalisation viendra, c'est-à-dire le jour du jugement, ceux qui auparavant l'oubliaient diront, les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité. Y a-t-il pour nous des intercesseurs qui puissent intercéder en notre faveur? Ou pourrons-nous être renvoyés sur terre afin que nous œuvrions autrement que ce que nous faisions auparavant? Et Allah Ta'ala dit, وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. Si tu les voyais alors les criminels comparaître tête basse devant leur Seigneur, notre Seigneur, nous avons vu et entendu, renvoie-nous donc afin que nous puissions faire du bien, nous croyons maintenant avec certitude. Et il dit, Subhanah, وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَى لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلِ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Si tu les voyais quand ils seront placés devant le feu, ils diront alors, hélas, si nous pouvions être renvoyés sur la terre, nous ne traiterions plus de mensonges les versets de notre Seigneur, et nous serions du nombre des croyants. Mais non, voilà que leur apparaîtra ce qu'auparavant ils cachaient. Or, s'ils étaient rendus à la vie terrestre, ils reviendraient sûrement à ce qui leur était interdit, car ce sont vraiment des menteurs. Et il dit Ta'ala, وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابِ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّنْ سَبِيلٍ. Et tu verras les injustes dire, en voyant le châtiment, y a-t-il un moyen de retourner sur terre? Et il dit, Subhanah, قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيلٍ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. Ils diront, notre Seigneur, tu nous as fait mourir deux fois et redonner la vie deux fois. Nous reconnaissons donc nos péchés. Y a-t-il un moyen d'en sortir? Il en est ainsi, car lorsqu'Allah était invoqué seul, sans associé, vous ne croyez pas. Et si on lui donnait des associés, alors vous croyez. Le jugement appartient à Allah, le Très Haut, le Très Grand. Et il dit, Subhanah, وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرْ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. Et là ils hurleront, Seigneur, fais-nous sortir, nous ferons le bien contrairement à ce que nous faisions. Ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse? L'avertisseur, cependant, vous était venu. Eh bien, goûtez votre punition, car pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Et Al-Tirmidhi Ibn Majah rapporte d'après Ibn Omar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah yaqbalu tawbat al-abd ma lam yugharghir » Allah accepte le repentir du serviteur tant qu'il n'est pas dans le râle de la mort, c'est-à-dire quand l'âme sort et atteint la gorge et qu'on entend un râle de la part de celui qui est en train de mourir. Et Al-Bukhari et Muslim rapportent d'après Ubadah ibn Samit, donc la tauba, la personne doit faire tauba avant ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, la tauba n'est plus acceptée. Al-Bukhari et Muslim rapportent d'après Ubadah ibn Samit, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah. » Celui qui aime rencontrer Allah, Allah aime le rencontrer. Et celui qui déteste rencontrer Allah, Allah déteste le rencontrer. Aïcha ou une autre de ses femmes dit « Nous détestons la mort. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprit « Laysa dak, walakin al-mu'min idha hadarahu al-maut bushira bi ridwanillahi wa karamati fa laysa shay'un ahabba ilayhi mimma amamah fa ahabba liqa Allah wa ahabba Allahu liqa'ah. وإن الكافر إذا حذر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء نكره إليه مما أمامه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. Ce n'est pas cela, mais lorsque la mort vient au croyant, on lui annonce l'agrément d'Allah et son honneur envers lui. Et il n'y a pas de chose qui est devant lui qu'il aime plus que rencontrer Allah. Et Allah aime le rencontrer. Et lorsque la mort vient au mécréant, on lui annonce le châtiment d'Allah et sa punition. Et il n'y a pas de chose qui est devant lui qu'il déteste plus que rencontrer Allah. Et Allah déteste alors le rencontrer. Et la mort possède des étourdissements, comme rapporté par Al-Bukhari d'après Aïcha, radiyallahu anha, au sujet de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il plongeait ses mains dans l'eau et s'essuyait le visage. Puis disait, « La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. » Il n'y a pas de divinité digne d'adoration à part Allah. La mort possède certes des étourdissements. Et Allah Azza wa Jal dit, وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. Si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort et que les anges leur tendront les mains disant laissez sortir vos âmes, aujourd'hui vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah d'autre que la vérité et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de ses enseignements. Et la vie du croyant ne l'augmente qu'en bien. Muslim rapporte d'après Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la yatamanna ahadukum al-maut wa la yad'u bih min qabli an ya'tiyah innahu idha mata ahadukum inqata 'amalu وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلَّا خَيْرًا. Qu'aucun d'entre vous ne désire la mort, ni ne l'invoque, avant qu'elle ne lui vienne. Car lorsque l'un de vous meurt, ses œuvres s'arrêtent, et la vie du croyant ne l'augmente qu'en bien. Et dans Al-Bukhari, par les termes, لَا يَتَمَنَّا أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزْدَادِ وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبْ أَيْ يَرْجِعُوا عَنِ الْإِسَاءَ وَيَتْرُبُ الرِّضَ. Qu'aucun d'entre vous ne désire la mort, car soit la personne fait le bien, et dans ce cas, elle pourra augmenter ses bonnes actions. Ou soit elle fait le mal, et dans ce cas-là, elle pourra revenir de ce qu'elle faisait et se repentir à Allah Azza wa Jal. Et ceci prouve l'interdiction de désirer la mort. Et le mécréant, au contraire, n'augmente qu'en péché. Allah Azza wa Jal dit وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. Et que ni leurs biens ni leurs enfants ne t'émerveillent. Allah ne veut par là que les châtier ici-bas et qu'ils rendent péniblement l'âme en mécréant. Et dans cette ayah, Allah Azza wa Jal interdit de se faire leurrer, parce qu'Allah Azza wa Jal donne aux koufars comme richesse et comme enfants, comme beaucoup de musulmans se font leurrer, et certains, wal'iyadu billah, ils sortent de l'islam à cause de cette fitna, lorsqu'il voit ce que Allah Azzawajal a donné aux mécréants. Et Allah Azzawajal dit wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khayrun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma wa lahum adhabun muhin. Que ceux qui n'ont pas cru ne comptent pas que ce délai que nous leur accordons soit à leur avantage. Si nous leur accordons un délai, c'est seulement pour qu'ils augmentent leur péché et pour eux un châtiment avilissant. Et dans les deux sahih d'après Anas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit yadba'u al-mayyita thalatha fayarji'u ithnan wa yabqa ma'ahu wahid yadba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Trois choses suivent le mort, deux reviennent et une seule reste avec lui. Le suivent sa famille, ses biens et ses œuvres. Sa famille et ses biens reviennent et restent avec lui ses œuvres. Et d'après Ibn Shamasa al-Mahri, qui dit « Nous assistâmes à l'approche de la mort pour Amr ibn al-As, radiyallahu anhu. Il pleura longuement et tourna son visage vers le mur. Son fils lui dit « Père, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne t'a-t-il pas fait la bonne annonce de telle chose ?» Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne t'a-t-il pas fait la bonne annonce de telle chose ? Amr lui fit face et dit « La meilleure chose que l'on a préparée est le témoignage qu'il n'y a de divinité digne d'adoration à part Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. J'ai atteint trois étapes. Je me suis vu tel que personne ne haïssait plus le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que moi, ni personne ne voulait le tuer plus que moi. Et si j'étais mort dans cet état, j'aurais été parmi les gens de l'enfer. » Rapporté par Muslim. Et il convient, ya Abdallah, que tu patientes lorsque cette épreuve te touche, car elle est inévitable. D'après Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa près d'une tombe et trouva une femme qui pleurait. Il lui dit, ittaqillah wasbiri, crains Allah et patiente. Elle lui dit, sans le reconnaître, éloigne-toi de moi, car tu n'es pas touché par ce qui m'a atteint. On lui dit, c'était le messager d'Allah. Elle alla à sa porte et ne trouva pas de portier. Elle lui dit, je ne t'avais pas reconnu. Il dit, innama sabru inda sadmatil ula. La patience n'est que lors du premier choc. Muttafaqun alayh. Et le fait de pleurer ne contredit pas cette patience. Une des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui envoya quelqu'un l'informer qu'un de ses fils était à l'agonie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le renvoya, c'est-à-dire le messager, en lui disant de lui transmettre le salam, c'est-à-dire à sa fille, et lui dire inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. De lui dire, à Allah appartient ce qu'il prend, et à lui est ce qu'il donne, et toute chose a auprès de lui un terme fixé, alors qu'elle patiente et qu'elle espère la récompense d'Allah. Le messager revint au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit, elle a juré que tu irais la voir. Il se leva donc en compagnie de Sa'd ibn Ubadah, Mu'ad ibn Jabal, Ubay ibn Ka'b, Zayd ibn Thabit et d'autres. On lui donna le bébé et son corps tremblait dans les mains du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ses yeux se mirent à couler. Et Sa'd lui dit, qu'est-ce que c'est au messager d'Allah ? Il lui répondit, هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. C'est une miséricorde qu'Allah place dans les cœurs de ses serviteurs. Et Allah ne fait miséricorde qu'à ses serviteurs miséricordieux. Muttafaqun alayh, d'après Usama ibn Zayd. Et il ne faut pas ressembler aux kuffars dans l'exagération de la tristesse lorsque la mort touche l'un de leurs proches, car cette dunya est leur paradis, et notre prison, à nous les croyants. Comme le rapporte Muslim d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Ad-dunya sijnul mu'min, wa jannatul kafir. » La dunya, c'est la prison du croyant, et le paradis du mécréant. Alors prends garde, ya Abdallah, à ne pas voir cette dunya comme un paradis et à ne pas t'émerveiller en elle. Et Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhalladhina amanu la tatawallaw qawman ghadiballahu alayhim qad ya'isu min al-akhirah kama ya'isa al-kuffar min ashabi al-qubur. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés des gens contre lesquels Allah est courroucé et qui désespèrent de l'au-delà, tout comme les mécréants désespèrent des gens des tombeaux. Et le deuil n'est pas permis plus de 3 jours, sauf pour celle qui perd son mari, 4 mois et 10 jours. Et nous avons vu précédemment qu'il n'est pas permis de désirer la mort. Et dans les deux sahihs, d'après Anas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La yatamannayanna ahadukum al-maut min durrin asaba, فإن كان لابد فعلا فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. Qu'aucun de vous ne désire la mort à cause d'une épreuve qui l'attend. Et s'il est inévitable qu'il désire la mort, alors qu'il dise « Oh Allah, fais-moi vivre tant que la vie est un bien pour moi et fais-moi mourir si la mort est un bien pour moi. » Mais le croyant ne doit pas s'entêter dans cette vie. Allah Azza wa Jal dit « أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ » Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver ? Et Allah Azza wa Jal dit « أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًا » Est-ce que l'être humain pense qu'on le laissera sans obligation ni interdit ? Et Allah Azza wa Jal dit « لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ » Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Et lorsque la mort atteint les pieux, c'est comme si la terre se rétrécissait. Allah Azza wa Jal dit « أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُسُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا » Ne voit-il pas que nous réduisons la terre de tous côtés ? Et parmi les sens donnés à ce verset, Ibn Abbas radiallahu anhuma a dit « Sa ruine est par la mort de ses fuqaha » c'est-à-dire les savants du fiqh, de ses savants et des gens de bien. Et dans les deux sahihs d'après Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna allaha la yaqbidu l'ilma intiza'an yantazi'uhu min al'ibad, walakin yaqbidu l'ilma biqabdi l'ulama, hatta idha lam yubqi aliman » اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. Allah Azza wa Jalla ne reprend pas la science par force en l'arrachant des serviteurs, mais il reprend la science en reprenant les savants, jusqu'à ce qu'il ne laisse plus aucun savant. Alors les gens prennent à leur tête des ignorants, et ils sont interrogés et émettent des avis sans aucune science. Ils s'égarent eux et égarent les autres. Et le ciel et la terre pleurent lors de la mort du pieux, et la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal au sujet de Pharaon et son peuple. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْذَرِينَ. Ni le ciel ni la terre ne les pleurèrent, et ils n'eurent aucun délai. C'est-à-dire qu'ils pleurent pour le pieux croyant, car le ciel et la terre n'ont pas pleuré pour eux, à cause de leur mécréance et du peu de bien qu'ils ont fait. Et je cite quelques paroles de Salaf sur la mort. Abu Darda, le Sahabi radiallahu anhu, a dit « Celui qui se rappelle souvent de la mort aura peu de joie et peu de jalousie. » Mutarrif a dit « Cette mort a anéanti la béatitude des opulents, alors recherchez une béatitude qui ne contient pas de mort, c'est-à-dire le paradis. » Saïd ibn Jubayr disait « Si le rappel de la mort quittait mon cœur, je craindrais que mon cœur me corrompe. » Al-Hassan al-Basri disait « La mort a démasqué la dunya et n'y a laissé aucune joie pour l'intelligent. » Safwan ibn Sulaym disait « La mort allège le croyant des difficultés terrestres, même si elle est source d'angoisse et de tourments. Puis ses larmes se mirent à couler. » Et alors que Omar ibn Abdelaziz, qui était le calife à son époque et parmi les pieux et parmi les gens de la sunna, lorsqu'il était petit enfant, il se mit à pleurer. Sa mère lui envoya quelqu'un qui lui demandait « Qu'est-ce qui te fait pleurer ?» Il répondit « J'ai pensé à la mort. » Et il avait mémorisé le Coran ce jour-là. Il avait fini de mémoriser le Coran. Lorsque la réponse parvint à sa mère, elle se mit à pleurer. Et Al-Ouza'i a dit « Omar ibn Abdelaziz écrivit une lettre que seul Makhoul et moi avons mémorisée. » Il dit « Amma Ba'd, celui qui multiplie le rappel de la mort sera satisfait du peu de dunya. » Et celui qui considère sa parole comme faisant partie de ses actions parlera peu, sauf dans ce qui lui est profitable. Wassalam. Ata rapporte que Omar ibn Abdelaziz rassemblait chaque nuit les fuqaha, et ils se rappelaient tous la mort, la résurrection et l'au-delà, et ils pleuraient. Saïd ibn Abi Aruba disait que lorsque Omar ibn Abdelaziz se rappelait la mort, ses membres tremblaient. Et Omar ibn Abdelaziz écrivit à un homme, « Si tu prends conscience de la mort jour et nuit, tu détesteras toute chose périssable et tu aimeras toute chose persistante. » Wassalam. C'est-à-dire, chose périssable, tout ce qui est dans cette vie, et les choses persistantes dans l'au-delà. Et Qabisa a dit, « Je ne me suis pas assis avec Soufiane sans que je cite la mort, et je ne vis personne rappelant plus la mort que lui. » Et Al-Hassan al-Basri disait, « Ô fils d'Adam, tu n'es que des jours. Chaque fois qu'un jour part, une partie de toi part. » Lorsqu'Al-Hassan ibn Salih regardait le cimetière, il poussait un cri et perdait connaissance. Et Abul Fadl al-Zuhri a dit « J'ai assisté aux assises d'Al-Firyabi et il y avait 10 000 personnes. Il ne reste plus personne à part moi. » Et il se mit à pleurer. Alors ne l'oublie pas, Yahri, car elle t'atteindra inévitablement. Et prends garde à ce qu'elle t'atteigne alors que tu es chez les koufars et que tu as la capacité d'émigrer. Car Abu Daoud et At-Tirmidhi rapportent d'après Jarir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ana bari'un min kulli muslim yuqimu bayna adhuril mushrikin » « Je suis innocent de tout muslim qui réside parmi les mécréants » et c'est un hadith authentique. « Fanasallallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima sami'na wa an yaj'ala lana al-ujur fi hadhi al-jalsa » ونسأل الله أن يبارك فيها وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك